الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala gratifie ses serviteurs de ses bienfaits jour et nuit. Certains de ses serviteurs atteignent ses bienfaits par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains en sont interdits par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les bienfaits d'Allah azza wa jal, la piété et la guidée. Ceux qui l'ont atteint, ce sont eux les bienheureux. Et ceux qui ne les ont pas sont malheureux et en perdition. Et Allah azza wa jal a choisi qui il veut pour être parmi les gens de bien, et il donne la guidée à qui il aime tabaraka wa ta'ala. Et la personne ne peut faire partie des gens pieux parce qu'il a une bonne lignée. Et la personne ne peut faire partie des gens pieux parce qu'il a une bonne lignée. La preuve est que Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète lui-même, la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Abu Lahab fait partie des gens de l'enfer. Et que Bilal al-Habashi, malgré qu'il fût un esclave, fait partie des gens du paradis. Et personne ne peut faire partie des gens de bien et des gens pieux parce qu'il a beaucoup d'argent. La preuve est que Qarun, celui qui détenait d'énormes trésors, fait partie des gens du feu. Et qu'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui tombait par terre dans la rue tellement il avait faim, fait partie des gens pieux et des gens de bien. Et le fait d'avoir un haut rang dans la société ne fait pas en sorte automatiquement de toi une personne pieuse. Et la preuve, Pharaon, malgré qu'il était roi d'Égypte, cela n'a pas fait de lui une bonne personne. Au contraire, il se considérait comme étant une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quant à la petite servante, elle était mieux que lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda où est Allah, elle répondit dans le ciel. Et être parmi les gens de bien est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul guide à cette piété. Allah azza wa jalla dit: tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah azza wa jal qui guide qui il veut. Et Allah azza wa jal a révélé les livres célestes pour qu'on soit guidé vers cette piété. Allah azza wa jal a dit, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et les prophètes ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit parmi les gens guidés, ceux qui sont pieux. Yusuf alayhi salam a dit: fais-moi mourir musulman et fais-moi rejoindre les vertueux, les pieux. Et Sulaiman a dit: et fais en sorte que je fasse de bonnes œuvres pour que tu sois satisfait de moi et pour que je fasse partie des pieux. Et Allah Azza wa Jal ordonne à tous les messagers d'être pieux. Allah Azza wa Jal a dit: ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites le bien et soyez pieux. Et les prophètes ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que leur descendance soit pieuse. Ibrahim alayhi salam a dit: Seigneur, donne-moi une descendance pieuse. Et Zakaria alayhi salam a dit: ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Et chacun d'entre nous dans sa prière demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi les gens bien guidés, d'être parmi les pieux et les vertueux. Quand on dit dans sourate al-Fatiha: ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et sachez que parmi les sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a le jeune pieux qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure ou le meilleur des biens de cette vie d'ici-bas est la femme pieuse. Et sachez que personne ne sera sauvé du châtiment de l'enfer et qu'il n'y a pas de réussite sans la piété ou sans être pieux. Allah azza wa jalla a dit: ton Seigneur n'est pas injuste au point de détruire des cités dont les gens sont pieux. Et parmi la sagesse de la création et celle de la résurrection et le fait d'être rétribué pour les œuvres pieuses, Allah azza wa jalla a dit: c'est vers lui que vous retournerez, c'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois et la refait une deuxième fois pour rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Et la première parole des gens du paradis, quand ils entreront, est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir guidés vers la piété qui est la cause de leur entrée au jardin des délices. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, et ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas guidés, à cette piété. Et les pieux sont les meilleurs des créatures. Allah azza wa jalla a dit: quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, c'est-à-dire ceux qui sont pieux, ce sont eux les meilleurs de toutes les créatures. Et les anges font des invocations pour ceux qui sont pieux et droits dans leur religion. Allah Azza wa Jalla a dit, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient et pour ceux qui sont pieux. Et chaque personne qui fait la prière invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les gens pieux en disant dans le tashahhud, que la paix soit sur nous ainsi que sur les serviteurs d'Allah pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de cette invocation, celui qui l'a dit aura atteint chaque personne pieuse dans le ciel et sur la terre. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala se porte garant et protège la personne pieuse. Il fait en sorte qu'il soit aimé sur la terre et dans les cieux, et il fait en sorte que sa vie sur cette terre soit bonne et que sa subsistance soit facilitée. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur la personne pieuse. Allah azza wa jalla a dit, quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala les fera entrer dans sa miséricorde. Et si la personne est pieuse, cela s'étendra par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala sur sa descendance, sur ses enfants et sur sa progéniture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la personne décède, rien ne lui sera plus bénéfique si c'est les trois choses, et parmi elles, un enfant pieux qui fait des invocations pour lui, rawahu Muslim. Et sachez que la personne pieuse est promise au pardon d'Allah, Azza wa Jal. Elle est promise à l'énorme récompense de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et elle est promise au jardin des délices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ou ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucune personne ne peut s'imaginer, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et sachez qu'être pieux et s'accrocher à sa religion est le conseil qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla lui dit, accroche-toi à ce que nous t'avons révélé, tu es certes sur le droit chemin. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait, eh bien il doit le transmettre. Et la meilleure des choses à laquelle tu peux inviter est le tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et la personne ne peut être pieuse sans le tawhid. On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la meilleure des œuvres, et celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Il dit la croyance en Allah, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et sachez que venir à la mosquée pour les prières, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lire le Coran, pour assister aux cours, est une cause de guider qui mène vers la piété. Allah azza wa jalla a dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que cela soit bien guidé. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de te guider est une des plus grandes causes de guidance qui mène vers la piété. Et s'entourer des bons compagnons est une aide précieuse pour être guidé et pour atteindre la piété. Et écouter les biographies et les récits de ceux qui nous ont précédés dans le bien, parmi les prophètes et les compagnons, raffermit les cœurs. Et ceux qui s'accrochent véritablement à la religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala les guidera par sa grâce. Allah azza wa jalla a dit, et ceux qui se mettent sur la bonne voie, il les guidera encore plus et leur inspirera la piété. Sachez que le musulman qui aime Allah subhanahu wa ta'ala doit lui vouer le culte exclusif et être sincère dans ses adorations. Et celui qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam doit le suivre à la trace, et il ne doit rien rajouter dans la religion. Et la piété de cette communauté ne peut être qu'en suivant la religion, pas en suivant leur passion ou une autre législation. Et sachez que la piété de la femme est dans le fait de se couvrir, de se préserver et d'être dévouée à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Elle doit également mettre son voile, celui de la pudeur, qui est une des plus nobles adorations pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux sœurs n'est pas une contrainte pour elles, mais c'est plutôt pour préserver leur chasteté, pour préserver leur honneur et pour leur rajouter de la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de leurs paroles, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez une parole décente. Allah subhanahu wa ta'ala veut juste préserver la femme de tout mal. Et Allah azza wa jalla la préserve même dans sa démarche pour qu'elles ne soient pas un objet de convoitise quand il lui dit, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et il leur ordonne de cacher leurs atours, ainsi que leur visage. Allah Azza wa Jalla a dit, et qu'elles rabattent sur elles le voile, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et il ordonne aux hommes de ne pas les regarder. Allah Azza wa Jalla a dit, dit aux croyants de baisser leur regard et de regarder et de garder leur chasteté. Et sachez que c'est en s'accrochant à la religion ou à notre religion sublime qui est l'islam, qui est le chemin vers le paradis et le chemin vers la piété. Et c'est en appliquant la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aurons la guidée, la piété et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.